À bord de la Jeanne Augustine. C'était la veille de Noël à Paimpol, dans le cabaret de la mère Foison. Un grand feu flambait dans le foyer de la vaste cuisine au plafond bas, allumant çà et là, le long des murs, de petites lueurs claires dans le cuivre des ustensiles et la faïence à fleurs des chopines ou des brocs. Autour des tables, des hommes buvaient en attendant l'heure de la messe nocturne. C'étaient tous des gens de mer, aux colliers de barbe dure, âpre et grise comme du lichen de roche. On reconnaissait parmi eux des Islandais, à leur peau bistre, à leurs yeux brillants et fixes, surtout à leurs voix éraillées comme voilées de brume. Les autres étaient pour la plupart des goémoniers de la baie ou des homardiers de l'Ogivie. La porte s'ouvrit. Une bouffée de bise entra, et avec elle un colosse à barbe brune et frisée, une tête de dieu assyrien sur des épaules immenses. « Ohé, à bâbord !» cria l'un des buveurs. « Par ici, Yvon Floury !» Yvon Floury, le capitaine, eut un calme sourire, et vint s'asseoir auprès de l'homme qui l'avait hélé. Celui-ci reprit. « Puisque nous te tenons, et que c'est veille de Noël, tu vas nous raconter cela tout au long. Quoi ?» L'histoire de la Jeanne Augustine. Yvon Floury demanda une moque de cidre, passa son énorme pouce dans l'anse de la chopine et trinqua à la ronde avec les compagnons. Il but d'une seule lampée, puis, promenant sur les poils de sa moustache sa langue rouge, vibrante et mince comme celle d'un fauve. « L'histoire de la Jeanne Augustine, » grommela-t-il. « Il n'y a guère que moi, en effet, qui vous la puisse conter. » De ceux qui étaient à bord cette nuit-là, je crois bien que je suis le seul survivant. C'est pourtant juste. Il y avait Alain Perrault, n'est-ce pas? Mon second, perdu à Islande. Il y avait aussi Ludo Gilcher, de Plounaise, mon matelot, décédé à Singapour. Puis il y avait le Mousse. Celui-là, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu. Perdu aussi à Islande, murmura quelqu'un. C'était mon fils. Il y eut un silence gêné. Jean Carguet, le maître voilier, se hâta d'intervenir. « Dis donc l'histoire, capitaine Floury. » Voilà. La Jeanne Augustine était une goélette de Paimpol. Contrairement au petit navire de la chanson, elle avait beaucoup navigué. Un peu vieille, un peu décatie, avec quelques rhumatismes à sa grosse membrure de chêne. Brave tout de même, et pas géniarde. Elle avait fait jadis les grandes pêches. Maintenant, on l'utilisait au voyage de Norvège pour les bois, une demi-retraite. Partie fin de novembre pour Drontheim, elle avait eu à l'aller mer douce et joli vent de suroît. Double faveur en cette saison et dans ces parages. Le retour, en revanche, fut pénible. On n'eut pas plus tôt quitté le fjord que les brumes se mirent à tisser leur toile d'araignée entre mer et ciel. On aurait cru nager dans de la ouate. Air et eau, ça ne faisait qu'un. On flottait dans cette étoupe à l'aveuglette. Marchait-on? Virait-on sur place? On n'en savait rien. Nul clapotis à l'avant. Comme temps, un crépuscule. Un entre-deux de lumière et d'ombre. Ni jour, ni nuit. Pas de vent. Les voiles pendaient, grises et mortes. « Combien de lieues, capitaine ?» demanda le second. Une trentaine environ. Si ça continue, nous arriverons à Paimpol l'année prochaine. Ce serait encore de la chance, puisque l'année prochaine s'ouvre dans 8 jours. Au fait, c'est vrai, c'est nuit de Noël à 7 heures. Réveillonne-t-on? C'est une idée, ça fera passer le temps. Yvon Floury appela le Mousse. Tu vas nous cuire une andouille. Puis, ayant invité le second et le matelot à descendre avec lui dans la cabine, il versa 3 pleins verres de brandy pour faire le trou avant la ripaille. Il s'apprêtait à boire à la santé du pays lorsque la tête ahurie du Mousse se montra à l'ouverture du roufle. « C'est comme ça que tu t'occupes de ton andouille, animal ?»« Non, mais, capitaine, c'est que c'est vraiment extraordinaire. On dirait qu'on entend tinter des cloches à l'arrière et à l'avant, à bâbord et à tribord. »« Imbécile, écoutez plutôt !» Les 3 hommes tendirent l'oreille. Il avait raison, le morveux. De tous côtés, dans le grand silence mat de la mer, retentissaient, lointaines encore, mais se rapprochant de minute en minute, de longues et lentes vibrations, pareilles à des sons de cloches mystérieuses. On eût pu se croire sur une des collines du pays de Paimpol, alors que toutes les paroisses de la côte se renvoient leurs carillons pour annoncer la venue de l'enfant Dieu. Les gars de l'équipage se regardaient entre eux sans mot dire, stupéfaits. Dans la brume épaisse, cette musique était d'une infinie douceur. Elle était maintenant toute proche, elle semblait se balancer au large rythme des eaux. C'est une tradition en Basse-Bretagne que dans la semaine d'avant Pâques, les cloches s'en vont à Rome. Les marins se demandèrent si ce n'était pas quelque bourdon sans cervelle qui, s'étant égaré, s'en revenait ainsi par le pôle de leur pèlerinage à la ville du pape. Mais en voici bien d'une autre. À mesure que les sons se faisaient plus distincts, il leur sembla les reconnaître. « Ma parole, » murmura Guilcher, « je veux qu'on me coupe le cou, si ce n'est pas là le carillon de Plounaise. Et ce timbre clair, » fit le mousse, « dites si ce n'est pas la petite cloche de Notre-Dame de Kerfot. » C'étaient en vérité toutes les voix chantantes des clochers du goélo qui se promenaient là autour d'eux dans la tristesse blafarde du septentrion. Et il se sentait le cœur serré d'une angoisse étrange. Que pouvait bien présager ce signe? À la lueur tremblante de la lampe de cuivre accrochée à une des poutrelles de la cabine, il se voyait pâle comme des morts. Ils se décidèrent à monter sur le pont voulant savoir. Le bruit sonore allait toujours grandissant, mais on ne voyait rien. Les brumes demeuraient inertes et pendantes. Pas une ondulation dans leurs vastes plis. Les hommes s'étaient accoudés au bordage. Ils échangeaient des propos rapides, à voix basse, comme s'ils eussent été à l'église. Au fait, ils y étaient à l'église, dans l'église infinie de la mer, toute pleine d'une impénétrable vapeur d'encens. Le mousse, grimpé dans le hauban, poussa un cri éperdu. « Des cierges! J'aperçois des cierges !» De toutes parts, en effet, presque au ras de l'eau s'allumaient ainsi que des lucioles, des flammes pâles qui se mirent à tourner autour du navire. On eût dit une flottille d'étoiles émergée de la profondeur diffuse des ténèbres. Puis apparurent les colonnes blanches des cierges. Enfin, les bras qui les tenaient se montrèrent à leur tour, et après les bras, des têtes et des épaules surgirent. À ces têtes, de longues barbes mouillées pendaient, qu'on eût prises pour des goémons épaves. Oh, les lamentables faces blêmes aux traits figés, elles se suivaient comme les gens d'une procession. De leurs lèvres entr'ouvertes, un chant s'exhalait, et subitement, les cloches se turent. On n'entendit plus que ce chant, pareil à une plainte, mélopée lente et triste à fendre l'âme. Si faibles que fussent les paroles, on en percevait le sens. C'était un Noël breton, un de ceux que les petits pâtres vont fredonnant de porte en porte durant la veillée sainte. Les hommes de la Jeanne Augustine se signèrent avec une dévotion mêlée d'épouvante. Le chant disait « Une étoile à l'Orient s'est levée ». Un dieu nouveau est né pour la terre grande et pour la mer profonde. Le mousse claquait des dents là-haut dans les vergues, et sur le pont les hommes aussi grelottaient, et ce n'était point de froid. Longtemps les têtes défilèrent, longtemps défilèrent dans le crépuscule arctique les petites lueurs pâles que faisaient les flammes des cierges. Parfois elles venaient si près du bord qu'on distinguait à leur clarté les visages de ceux qui les portaient. Longtemps, longtemps, oui, cela dura longtemps. Et puis, sans qu'on sût comment, tout cela passa, s'effaça, s'évanouit. Il n'y eut plus dans la nuit qu'une solitude plus vaste et un silence plus mystérieux. Soudain, un craquement se fit dans la vieille carcasse du navire. Les cordages se tendirent, les voiles s'enflèrent, comme si la respiration du vent, jusque-là oppressée par l'attente de ces choses, fût redevenue libre de se jouer à travers l'espace. À l'avant de la Jeanne Augustine, l'eau se mit à mousser, entonnant la douce chanson de marche. Et les hommes furent tout heureux de sentir qu'ils vivaient encore, que leurs âmes ne les avaient point quittés. Ils restèrent néanmoins près d'une heure sans se parler, tant les réflexions qu'ils avaient à se communiquer leur semblaient inexprimables. Alain Perrault, le premier, desserra les lèvres. « J'ai reconnu Jean Guastrenec de Pinvénan, » prononça-t-il. « J'étais avec lui à bord de la Reine des Anges quand il trépassa, même qu'il m'a fait un signe avec la main, comme pour me dire je ne sais quoi. Ah, le pauvre Guastrenec !»« Moi, j'ai reconnu Louis Person de Plouguiel, » fit le capitaine. « Il avait encore la fente qu'il s'ouvrit dans le crâne en tombant des huniers. »« Moi, Antoine Lablaise de Pontrieux, » s'écria le mousse, « mon parrain, Dieu lui pardonne. »« Moi, » dit le matelot, « j'en ai reconnu plus de 30. » Il entreprit de les nommer en comptant sur ses doigts, mais au 10e le capitaine l'interrompit. « Assez, tais-toi !» Elle était trop sinistre, cette litanie funèbre, et dire qu'ils avaient été portés, tous ces noms, par de robustes gars aux poitrines superbes, taillés pour vivre 100 ans, et voici qu'ils ne surnageaient déjà plus que dans quelques mémoires, éphémères elles-mêmes, ou dans les brèves inscriptions des perdus à Islande qu'on déchiffre à peine sous les porches des vieilles chapelles au long des côtes d'Armorique. « Et les 3 verres de brandy ?» demanda quelqu'un dans l'auditoire. « Nous les vidâmes, » répondit le capitaine. « Nous vidâmes même toute la bouteille en récitant des De Profundis. Nous savions les uns et les autres que c'était la dernière fois que nous trinquions ensemble. » Il ajouta « Voilà l'histoire de la Jeanne Augustine. » Puis, après un silence, « Vous avez eu tort de me la faire raconter. Je trouve à cette moque de cidre le goût qu'avait ce soir-là le brandy. »